conclure. Alors, c'est triste de penser que ce sera notre avant-dernier séminaire, parce que on a quand même créé un public assez stable et assez fidèle. Oui. Alors, pour ceux qui de la toute dernière séance, donc à cause de mes engagements multiples, de toute manière, je ne peux pas garder la date du 13 mai. Je ne sais. Je me demande même pourquoi elle est indiquée sur le site. Alors, je crois que pour moi, la seule date possible pour la dernière séance, pour moi, ce serait le 27 mai. Mais je n'ai pas encore vérifié avec l'école s'il y a une salle libre. C'est vrai que c'est un peu bizarre de faire une espèce comme ça de séance en queue après un mois et demi d'interruption. Mais à part le fait que maintenant, il y a, je crois, 3 semaines de vacances ici à l'école. Et de toute manière, comme je dis, moi, je ne peux pas avant. Pardon ? 15 jours de vacances. Oui, et de toute manière, comme je dis, moi, je ne peux pas le 13 mai, donc il ne reste que... Ah oui, c'est un mardi. Et ce serait à quelle heure, 27 ? C'est juste avant. Il faut voir si on trouve une salle libre. Il faut que je n'ai pas encore demandé à l'école s'il y a une salle libre, parce que... Et ben, on va le mettre sur le site, on va faire circuler l'information de quelques manières. Ben, oui, je ne vois pas d'autres possibilités. Comme je dis, je regrette que des engagements donc d'enseignement que j'ai eu au dernier moment, donc on bouscolait tous les calendriers. Moi, je ne peux rien y faire. Et en revanche, comme je l'avais déjà dit l'autre fois, donc pour ceux qui veulent, donc, notre séminaire peut continuer l'année prochaine au Collège international de philosophie. Je dirais que c'est une bonne nouvelle. Mais au deuxième semestre, donc ça veut dire qu'on va se revoir au moins en tant que séminaire, ça va faire presque un an, donc probablement en février 2015. De toute manière... Effectivement, le séminaire que j'avais annoncé pour un an au début, donc ce n'est pas encore terminé, donc surtout de la thématique de la violence engendrée par le narcissisme, le thème des massacres en milieu scolaire, donc d'autres formes de violence et des pulsions de mort, donc n'a pas encore été traité, peut-être on va en parler à la toute dernière séance, donc en plus j'espère qu'il y aura quelqu'un, parce que c'est vrai que... Une séance comme ça, très isolée par rapport au reste, ça peut poser quelques problèmes simplement d'oubli. Alors, ben, toujours me promettant de parler moins que d'habitude pour laisser plus d'espace pour le débat, je voulais encore continuer un peu l'examen de certains sociologues contemporains. Nous avons donc longtemps parlé de la critique de l'économie politique chez Marx. Après, nous avons passé un peu les autres sciences humaines un peu au crible de la critique de la valeur. Donc nous avons d'abord parlé, déjà l'année dernière, de l'anthropologie à travers Durkheim, Mauss, Salins et d'autres. Nous avons parlé de l'histoire de la pensée, un peu de l'histoire de la pensée économique et naissance du libéralisme. Après, nous sommes passés à la psychoanalyse. Et maintenant, c'est un peu le tour de la sociologie contemporaine pour voir ce qu'elle peut nous dire sur le thème du narcissisme. Et donc, à la séance dernière, je ne me rappelle pas exactement où nous nous sommes arrêtés. Je crois qu'on avait commencé un peu à parler de Gilles Lipovetsky. Oui. Mais je pense qu'on n'avait pas terminé les discours sur lui. Il faut aussi dire que je n'ai jamais le courage d'écouter les enregistrements, parce que comme beaucoup de gens, j'ai horreur d'entendre ma propre voix. Et, donc je voulais donc un peu parler de Lipovetsky, faire quelques phrases de l'œuvre assez vaste de Zygmunt Bauman. À l'autre fois, on a aussi fait, aussi, je pense, j'ai aussi parlé un peu de l'ouvrage « L'individu incertain » de Allen Ehrenberg. Mais on peut encore mettre un peu dans le même sac, même si c'est pas différent, l'ouvrage de... Alors, on peut mettre dans le même Il mentionne l'œuvre de Benjamin Barber, comment le capitalisme nous infantilise. Si vous ne connaissez pas, je vais le faire circuler. Et d'une manière un peu plus éloignée, évidemment, le classique, le nouvel esprit du capitalisme de Boltanski et Capello. Et donc, évidemment, c'est sûr qu'on pourrait ajouter d'autres penseurs plus ou moins critiques, comme Richard Sennett. À ces tableaux, de toute manière, ce sont des penseurs qui, d'une manière ou de l'autre, décrivent donc justement une espèce de nouvelle phase du capitalisme. Donc la phase caractérisée par un individualisme très poussé, même si la plupart de ces auteurs pensent que cet individualisme est plutôt fictif que réel. Et qui insiste donc surtout sur une espèce de liquéfaction de structures rigides et traditionnelles. Donc ça donne déjà le titre à beaucoup de livres de Bauman, et qui parle donc d'une époque marquée beaucoup plus par la séduction que par le contrôle autoritaire. Donc les conséquences peuvent justement être comme le dit déjà le titre du livre de Barber, l'infantilisation des consommateurs. Alors, évidemment, on aurait très bien pu faire plusieurs cours sur ces sociologues, en plus parce qu'ils apportent beaucoup de matériel empirique. Donc, ils parlent d'un auteur comme Bauman, donc il ratisse assez large dans ses références. Donc, on pourrait en parler beaucoup, donc ici, en revanche, on va en parler assez brièvement. On va juste voir ce qu'on peut en tirer pour mieux comprendre le phénomène du narcissisme. Je veux éviter de le juger simplement à l'aune de la critique de la valeur, parce que ça serait un exercice un peu, à la longue, un peu stérile, parce que trop évident de dire que ces auteurs-là apporte beaucoup d'observations, souvent très importantes dans les détails, mais que leur analyse de cause, c'est-à-dire de encadrement de phénomènes, reste toujours insuffisante. Elle reste toujours, comme nous l'avons déjà vu aussi en ce qui concerne par exemple Dany Robert Dufour et d'autres, ça reste toujours une critique pratiquement de la seule phase néolibérale du capitalisme. Et ce n'est pas ce n'est pas une critique du capitalisme tout court, soit parce que ces auteurs, comme Barber, au contraire, ils disent même qu'il n'y a pas une alternative au capitalisme, mais il faut un capitalisme sain et démocratique, soit parce qu'ils critiquent le capitalisme, comme aussi Bauman, mais en vérité, avec ce mot-là, il l'identifie à sa seule phase néolibérale, de manière explicite ou implicite. On revient toujours vers une espèce de nostalgie vers la phase fordiste. Justement, c'est le grand faible de ces auteurs-là. Nous l'avons déjà dit. Il n'y a pratiquement jamais une véritable prise de conscience pour ce qui touche le rôle du travail abstrait, de la marchandise, de l'argent et de la valeur. Et ce qui les porte d'abord à des considérations parfois assez douteuses, par exemple sur le rapport entre travail et consommation. Donc l'idée, par exemple, que la société contemporaine est basée essentiellement sur la consommation est vraie si on regarde la surface empirique et la surface phénoménale. Effectivement, les individus aujourd'hui se définissent en général à travers leur appartenance à une tribu de consommateurs. Mais évidemment, la consommation reste quand même la consommation des biens et de la masse des valeurs que ces biens représentent. C'est par exemple, c'est un argument qui est presque absent dans ces auteurs dont nous parlons. Voilà aussi en général la perspective pratique ou positive qu'ils s'efforcent d'indiquer reste presque toujours, je trouve, très limitée. En général, il y a presque toujours l'idée d'une espèce de reprise de l'esprit civique, donc de l'esprit du citoyen démocrate qui doit limiter les excès du capitalisme. Mais, je répète, donc, ce qui peut paraître, au moins à mes yeux, des limites dans leur interprétation, n'enlève rien à la justesse de beaucoup de leurs observations. Donc je trouve toujours qu'il faut faire une certaine séparation entre la valeur scientifique d'un ouvrage et l'opinion que ces auteurs professent au sujet de leur même thème. Alors, cela est particulièrement évident dans le cas de Gilles Lipovetsky. Donc, nous avons déjà parlé l'autre fois. À la différence des autres auteurs que j'ai cités, Lipovetsky est une espèce d'apologète, apologiste, comme disent les deux, non ? Apologète enthousiaste et naïf du nouvel ordre et de la forme de l'individu. Mais justement, cette naïveté lui fait dire certaines choses sur un ton enthousiaste que d'autres auteurs auraient peut-être préféré cacher. Et je répète, dans son livre « L'ère du vide » en 1984, il a quand même effectivement prévu des évolutions qui étaient vraiment à peine à leur début. Donc c'était bien avant Internet, c'était avant la télévision privée, même avant les radios libres. Il avait quand même déjà effectivement prévu cette espèce de fausse individualisation et personnalisation de la société, seulement qu'il en donne un jugement positif. Mais Lipovetsky, en plus, a été un des premiers Français à lire effectivement la culture du narcissisme de Lech, donc même avant sa parution en français. Il consacre un long essai à la question du narcissisme qui paraît, je crois, sur la revue Le Débat, qui aurait pris donc, dans l'ère du vide. Donc nous sommes vraiment vers l'année 80, même si on peut dire qu'il le comprend à travers. Il donne une lecture assez superficielle de Lech, il balaye avec un revers de la main ce qu'il trouve, ses perspectives apocalyptiques, pour réduire pratiquement l'œuvre de Lech à une description phénoménologique de la personnalité narcissique. Mais même Lipovetsky, il doit quand même admettre que nous vivons une mutation anthropologique. Je répète, c'est une chose, par exemple, qu'à gauche, on ne comprenait pas en général à cette époque-là, que ce que s'est préparé à cette époque-là n'était pas une simple continuation des rapports de l'époque fordiste du capitalisme classique. Il y avait effectivement une révolution anthropologique. D'ailleurs, Lipovetsky veut d'ailleurs même saisir en tant que procès global, donc en tant que structure qui se répète en différents niveaux de la vie. D'ailleurs, ce propos de Lipovetsky démontre que même les auteurs postmodernes, parce que Lipovetsky est un postmoderne par excellence, en vérité ne peuvent pas finalement s'empêcher s'ils gardent un minimum de cohérence intellectuelle, ils ne peuvent pas s'empêcher de tenter de saisir quand même une forme de totalité, même s'ils l'appellent peut-être procès global d'une autre manière. Donc cette nouvelle forme donc, de société qui s'est mise en place donc, après 68, donc, et pour Lipovetsky, se place au-delà de la famille, de l'économie, de la politique, surtout de l'idée de révolution et de l'art. Et donc, est tout remplacé par une espèce d'indifférence, mais une indifférence qui n'est pas une indifférence malheureuse ou complètement désenchantée, mais une espèce d'indifférence cool, comme on disait, une espèce de joyeux détachement des individus, qui, d'ailleurs, je pense assez correctement, Lipovetsky indique comme l'ultime phase de l'homo ecalis. Donc, vous vous rappelez, nous avons parlé l'année dernière donc, de l'anthropologue Louis Dumont, et donc son ouvrage est effectivement très important, l'homo ecalis, donc comme la figure classique de l'individu moderne qui rabat tout sur le seul paramètre de la vie économique. Donc, selon Lipovetsky, il reprend l'idée que nous vivons dans une société narcissique, mais il dit que ce n'est pas une décadence tragique, ce n'est pas le nihilisme donc, dans le sens de Nietzsche, Mais c'est plutôt une espèce, comme je dis, une espèce d'indifférence cool, donc où l'individu tente d'être bien partout et pas de vivre dans une espèce de désespoir suicidaire. Et ce serait donc, selon Lipovetsky, le narcissisme, une forme de l'individu autocentré, d'épanouissement, donc qui ne veut plus se sacrifier pour les grandes causes, pour les idéologies, mais qui juge un peu tout à l'aune de son, aux paramètres aussi de son profit personnel immédiat. Mais je répète, ici l'analyse de Lipovetsky recoupe même, peut-être même son, cette manière, son, arrive avant l'analyse des autres auteurs dont nous parlons. Mais il trouve que cela est une forme de démocratie, que cela est une forme de dépassement de l'idéologie meurtrière. Donc, lui, il voit dans cela une espèce de dépassement du fanatisme, du dépassement donc, d'une société où chacun veut se battre donc, jusqu'à la dernière goutte de sang pour ses idées. Donc, il trouve au contraire donc, cette espèce de détachement narcissique et la forme mentale qui correspondent parfaitement à la démocratie moderne. Et je dirais, il ne sait pas peut-être combien il a raison d'une certaine manière, mais seulement d'une manière inverse. Pour lui, cela démontre que. Il fait le même raisonnement dans son livre sur la mode qui s'appelle L'Empire de l'éphémère, où effectivement il dit qu'il lance une défense passionnée de la mode, mais en disant bah, la mode c'est comme la démocratie, donc ce sont des choses auxquelles on ne croit pas, qui changent tout le temps, où en vérité rien n'a de l'importance, mais on s'amuse quand même. Et donc pour lui, donc, c'est évidemment c'est une défense. De la mode, on pourrait naturellement lire la même chose à l'envers et dire évidemment c'est une critique involontaire de la démocratie qui finalement n'est rien d'autre qu'une suite de collections de printemps et d'automne et où rien ne change vraiment. Comme je dis, avec une espèce de candeur de Lipovetsky, donc. Il parle de l'ère du vide, il parle d'une moi vide, il appelle cela une technique de contrôle social, mais justement tout cela sur une tonne positive. Il caractérise l'attitude du narcissique comme l'attitude de ceux qui veulent tout, tout de suite. Donc, un terme qui, évidemment, qui est réapparu presque 40 ans plus tard dans le roman de Morgan Sportes, que peut-être quelqu'un d'entre vous a lu. D'ailleurs, j'avais même pensé d'inviter Sportes à parler ici, donc il était d'accord, mais simplement nous ne sommes même pas arrivés au moment de nouvelles formes de violence. Donc peut-être on va le faire l'année prochaine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce roman, c'est un roman très docu-fiction, donc presque documentaire, sur l'histoire de la gang des barbares. Donc, il raconte avec force détail, plutôt donc macabre, l'enlèvement donc d'une jeune qui est crue riche parce qu'elle était juive et donc qui est surtout donc pratiquement traitée par ce ravisseur qui est comme une simple marchandise. Donc, il faut tirer donc le plus de profits possible et donc lorsqu'ils ne réussissent pas dans leur pari, donc ils les tuent, ils les jettent effectivement aux ordures justement comme une marchandise qui ne sert plus. Ben, c'est un roman assez dur à lire, mais quand même, je pense, saisit bien, évidemment, une partie des enjeux contemporains. Et justement, j'avais mis dans mes notes, Lipovetsky parle d'une espèce d'apathie rassurante. Ben, évidemment, il trouve l'apathie rassurante, évidemment, par rapport à l'époque des idéologies et des révolutions, mais justement, on pourrait dire une apathie rassurante, on pourrait dire c'est exactement aussi ce qui caractérise, par exemple, aussi les anti-héros du roman de Sportes, effectivement, qui vivent en vérité même leur équipée criminelle avec une espèce d'indifférence morale totale, qui sont même pas des personnages vraiment méchants, mais qui sont vivent effectivement avec une espèce d'incapacité plutôt de la moindre empathie et du moindre rapport avec l'autre. Hmm. Et donc, Lipovetsky parle donc d'une désubstantialisation du moi, donc il n'explique pas d'où elle vient, donc il le prend là, comme toujours, il reste sur un plan purement du phénomène, mais c'est quand même un terme qu'on pourrait un peu appliquer à toutes les différentes analyses aussi de Bauman, de Ehrenberg, de Boltanski et d'autres, désubstantialisation d'individu. Le mot est bien dit, mais pour ce que je vois, elle ne se demande pas quelle est la substance de l'individu, ou ces auteurs-là identifient la substance de l'individu probablement avec un ensemble de règles traditionnelles, avec une espèce d'éthos communautaire, avec des formes de vie, ce qui n'est pas faux, mais je pense qu'il manque quand même une autre dimension de la substance, exactement la substance du travail, donc maintenant nous le savons, donc nous avons ici parlé souvent d'une désubstantialisation du travail et de la valeur, donc la valeur donc, qui n'est plus produite, le système a la difficulté à produire assez de valeur parce qu'il a très peu de travail productif, nous l'avons répété souvent, et donc, comme le dit souvent Kurz, on assiste donc à une valeur et finalement à un argent désubstantialisé, donc qui sont de plus en plus fictifs, qui ne répondent plus à rien parce qu'ils ne répondent plus à de l'énergie humaine vraiment dépensée d'une manière à reproduire la somme initiale de capital. Mais le lien entre la désubstantialisation du capital et la désubstantialisation du moi, je répète, c'est quelque chose qu'il faut le faire ici, à ma connaissance, ces auteurs, avec toute leur bonne vue sur d'autres choses, ne font pratiquement pas ce lien-là. Donc pour le reste, comme je dis là, les voies sur le narcissisme de Lipovetsky sont assez réductrices et donc il reproche à Lesch d'identifier le narcissisme avec une culte de la célébrité. Il dit pour Lipovetsky, au contraire, le narcissisme est une espèce de repli sur soi, donc c'est quelqu'un qui ne veut pas être admiré, qui veut éviter la concurrence et le convivial. Qui veut éviter la concurrence et qui cherche plutôt une atmosphère conviviale, détachée, où finalement donc rien n'a de véritable importance, donc rien ne demande un véritable effort. Et donc, où donc même la lutte dans la concurrence, même les hiérarchies sociales, serait déjà à certaines manières trop pour un individu qui, au contraire, qui vit plutôt pour le culte du corps, pour la thérapie, pour des religiosité du genre New Age, et donc pour tous, où l'individu, de certaine manière, cultive soi-même. Là aussi, ce n'est pas faux en tant qu'observation, mais évidemment, on a vu par la suite, à l'époque néolibérale, donc évidemment, un retour extrêmement fort de l'esprit de concurrence peut d'ailleurs assez bien finalement s'allier à cette espèce de repli sur soi. Et même le culte du corps, c'est maintenant bien connu qu'évidemment, tandis que l'époque fordiste, le corps était comme quelque chose qui est considéré presque comme une espèce d'obstacle. Évidemment, après, donc, on a eu toute une forme de reprise évidemment, du corps, donc déjà sur la forme d'une augmentation énorme des dépenses, par exemple pour des produits cosmétiques, pour tout ce qui est, évidemment, qui est régime, pour tout ce qui est, pour tout ce qui est être en forme, que cela est devenu même une préoccupation pour beaucoup de mal. Et aussi parce que, comme je le dis assez bien, un peu ironiquement, Bauman, finalement, le corps est pratiquement la seule chose, donc la durée moyenne de vie a plutôt augmenté dans les dernières décennies. Donc, tous, travail, relations, lieu de résidence, donc tous, et surtout les produits, les marchandises eux-mêmes, ont des cycles de vie toujours plus courts. Le corps est pratiquement la seule chose qui garde encore un caractère durable et même une espèce donc, de durée même augmentée. C'est aussi pour ça, évidemment, que il a une si grande importance entouré d'une telle attention qui, je répète, était était presque au nid à l'époque frontiste. Un grand manager ou directeur d'usine à l'époque frontiste, je pense, ne se serait pas consacré à maigrir ou à se parfumer, et encore moins il en aurait parlé dans la presse. Tandis aujourd'hui, évidemment, donc, cette espèce d'attention donc, pour le. Sa propre entité physique est même devenue pour les hommes politiques ou les chefs d'entreprise une des façons pour apparaître dans le spectacle. Alors d'ailleurs, après ce premier livre, donc Lipovetsky donc, a continué, hein, je pense, à prendre un livre au moins, je pense, tous les trois ans, mais il faut dire que je ne les ai pas tous lus. Il a écrit un livre récemment, je crois, sur l'esthétisation de la consommation. Mais quelqu'un l'a lu, l'a vu. Je veux dire, il ne faut pas toujours se épouvanter avec ces auteurs face à leurs opinions explicites. Parfois, ils peuvent quand même parfois contenir une grande quantité d'informations objectives. Et parfois, ils peuvent même raconter... comme je dis, avec une espèce de naïveté des choses énormes, justement parce qu'il les approuve et ils ne se font même pas problème de faire l'éloge. Donc c'est donc très différent de Zygmunt Bauman, donc un auteur qui, je pense, de toute manière, qui est arrivé très tardivement sur la scène intellectuelle, même s'il a été professeur pendant presque toute sa vie. Donc je crois que il a commencé à être connu pour un public plus large autour de 2000, même en Angleterre, où il enseigne, lorsque donc il avait déjà 75 ans. Et c'est maintenant, à presque 90 ans, qu'il est devenu une véritable vedette intellectuelle, surtout, peut-être pas tellement en France, mais beaucoup en Italie. Et qu'il publie un livre presque tous les ans, qui très souvent, déjà dans leur titre, ont le mot liquide, modernité liquide, amour liquide, vie liquide, qui est un peu son concept clé. Et évidemment, une telle fertilité dans l'écriture comporte aussi une certaine tendance à la répétition, même s'il touche à beaucoup de sujets. D'ailleurs, c'est un écrivain plutôt agréable à lire dans le sens qu'il n'est ni universitaire, ni trop banal, mais donc c'est plutôt sur un style souvent narratif, ou on pouvait presque dire comme du bon journalisme approfondi. Hein? Je pense que quelqu'un d'entre vous, je crois, l'a lu, non? Donc le livre de Bauman. Quelqu'un m'en a parlé. Alors là, pour tenter un peu de résumer quelques-uns de ces sujets, sur la base du livre Liquid Modernity en 2000, d'ailleurs je ne sais même pas avec quel titre il est paru en français, parce que souvent les éditeurs ont changé le titre. Donc il analyse justement dans l'opposition entre la modernité liquide qui commence donc à peu près donc, dans les années 80 et donc qui remplace évidemment la modernité classique fordiste, comme on dit aujourd'hui, donc une modernité rigide, ou maintenant qui continue à exister, mais qui est à laquelle donc ça adjoint une modernité liquide qui est surtout aussi le style de vie de ceux qu'on appelle aussi les gagnants dans la vie capitaliste. Donc ça veut dire ceux qui sont légers, mobiles, flexibles, sont très souvent ceux qui ont qui gouvernent, qui sont les maîtres du jeu, tandis que cette partie de la population, souvent aussi la majorité, qui reste d'ailleurs liée, par exemple, à un territoire, reste liée à un travail, à une famille, finit souvent pour être aussi le victime de cette espèce d'élite mobile qui diffuse partout un style de vie liquide. Évidemment, la modernité, même la modernité classique, a toujours été une espèce de fluidification de ce qui était fixé dans la société, prémoderne, mais justement cela a augmenté très fortement donc, dans les dernières décennies, où donc, très souvent donc, la puissance est dans la rapidité, dans la vitesse et dans la capacité aussi de fuir. Et, comme, un exemple, par exemple, c'est aussi la guerre postmoderne, par exemple, est une guerre qu'on fait normalement de l'air, à partir de l'air. Donc l'occupation d'un terrain, par exemple, est devenue plutôt l'exception et en général donne même des mauvais résultats, comme en Irak ou en Afghanistan, par exemple, classiquement. Le plus mobile, celui par exemple, qui peut frapper de en haut normalement, et aussi celui qui gagne des guerres ou qui au moins exerce une certaine contrôle. Donc partout dans le monde, donc, le mot d'ordre, c'est donc d'abattre des murs et de, par exemple, classiquement tout ce qui, par exemple, qui fait obstacle au flux des marchandises, au flux financier, sauf évidemment après ériger d'autres murs, par exemple, contre le flux des personnes. Et en général, se fixer sur quelque chose, par exemple sur un travail, sur un endroit où vivre, une relation, se considérer comme une perte d'opportunité possible dans la société contemporaine. Et donc, c'est un peu tout le contraire de la modernité classique, où ce que voulait tout le monde, c'était la fixité. Donc, tout le monde voulait un travail à durée indéterminée, au mieux encore être fonctionnaire, pour acheter une maison ou un procès de passer le reste de sa vie avec la personne qu'on avait épousée une fois pour tous. Normalement, souvent en militant dans une partie, un syndicat, une association, avec l'idée de rester fidèle à cette idée. Donc la modernité classique s'est basée justement sur cette espèce de fixité qui, dit Bauman, je répète, n'est pas disparue, mais elle passe par archaïque et met souvent en condition d'infériorité ceux qui pratiquent volontairement ou soit involontairement cette espèce de fixité. Alors la modernisation, dit donc Bauman, et comme un processus, c'est aussi beaucoup d'autres sociologues qui le disent, ça veut dire un processus donc, qui ne s'accomplit jamais. Donc il y a une espèce d'obsession, il faut moderniser toujours davantage, donc il n'y a jamais une espèce de point d'arrivée, donc il faut être toujours plus flexible, donc avoir toujours moins de règles. Et donc il n'y a jamais une espèce de telos, une espèce de finalité où on peut s'arrêter. Et donc, c'est le même sur le plan de la vie vécue, parce que Bauman fait toujours le lien justement avec la vie des individus, hein, donc ce n'est pas seulement une analyse macro-sociologique. Et justement, une fois, il y avait cette idée qu'on arrive dans la vie quelque chose. Par exemple, pour beaucoup de gens, classiquement, par exemple, l'achat d'une maison, d'un appartement, était une espèce de point d'arrivée. Donc, on s'était réalisé. Ou une fois qu'on était devenu directeur, je ne sais pas, dans quelque part, on avait l'impression d'avoir accompli sa propre vie. Non? Ou sur d'autres plans, une fois que, surtout, les femmes avaient réussi à trouver quelqu'un que les épouser, donc là, c'était fait maintenant pour le reste de la vie. Non? C'était, peut-être que ça ne correspondait pas toujours à la réalité, mais l'idée avant, c'était qu'il y avait dans la vie des objectifs à atteindre. Et cela est de moins en moins le cas, parce que même l'identité n'est plus une chose donnée, mais c'est toujours une espèce de tâche que l'individu doit poursuivre, mais qui n'est jamais, finalement, où on n'arrive jamais, parce que l'objectif se déplace toujours. Donc c'est un peu, même si c'est un peu comme l'histoire finalement de l'âne devant laquelle on place la carotte, non, pour le faire marcher dans la, et tirer le chariot. Et donc, ça veut aussi dire, donc là, Bauman insiste beaucoup, mais d'autres auteurs aussi, donc que l'individu est donc chargé dans la postmodernité d'une charge énorme d'attente, donc, tandis qu'en vérité, ses possibilités d'intervenir dans la réalité n'ont pas du tout augmenté, elles ont peut-être plutôt diminué. Donc, l'individu se sent beaucoup plus frustré qu'avant. Parce qu'il ne réussit pas à atteindre tous les objectifs qu'il se donne à soi-même. Nous en avons déjà un peu parlé d'autres fois. Et bon, Bauman n'y fait pas beaucoup de liens directs avec la psychoanalyse ou avec le concept de narcissisme. Moi, J'avais établi l'autre fois ce lien justement pour expliquer aussi qu'est-ce que ça veut dire, une surmoi archaïque dans le sens de Lèche surtout. Donc l'idée justement avant, le surmoi était une instance extérieure qui disait tu dois faire ceci et cela, tu dois adorer Dieu, tu dois servir la patrie, tu dois obéir à ton directeur. Laissons au moins une espèce de séparation et une espèce de possibilité de prise de distance mentale avec ce surmoi, donc qui ne se présentait pas comme une amie. Mais, comme nous avons dit, aujourd'hui, le surmoi en général est quelque chose qui impose à l'individu de faire énormément de choses pour son propre bien, et si on n'arrive pas, c'est tant pis pour toi, donc ça veut dire que c'est toi qui as gâché. C'est toi le consommateur manqué, c'est toi que tu n'as pas trouvé le travail, c'est toi qui n'as pas... tu ne fais pas une vie comme on voit à la télévision, donc tu dois effectivement, tu dois t'en prendre à toi-même et à ton incapacité de suivre des standards qui ne sont pas imposés de l'extérieur, mais qui ne sont... auxquels pratiquement tu as peut-être adhéré de ton propre gré parce qu'ils correspondent à l'idée d'une vie pleine. Il y a donc une divergence qui grandit toujours, dit Beaumont, entre l'individu en tant qu'une espèce de destin obligé et l'individu, donc entre l'idéal social de l'individu et l'individu en tant que capacité pratique et réaliste de ce qu'on peut faire vraiment. Donc l'individu n'est jamais à l'auteur de ce que... il doit faire, et voilà autre chose sur laquelle insiste Beaumont, donc là où rentre la consommation des marchandises, la consommation donc, d'une certaine manière, une consommation effrénée, donc avec une vie très courte des produits, donc aide donc à, ou donne plutôt l'illusion de construire cette identité, donc même pour des bribes, pour des brèves périodes, il donne une sens de soulagement, donc on croit avoir avancer sur la construction de son identité idéale lorsqu'on a acheté une nouvelle voiture. On pense maintenant évidemment de faire une vie de rêve, donc la déception arrive très rapidement et sera remplacée évidemment par une autre marchandise. Il cite même d'ailleurs à ce propos cette espèce de déplacement de responsabilité sur l'individu. Il cite même un exemple biblique où le pharaon pratiquement ne donne plus aux Hébreux la paille pour faire les briques, mais pratiquement leur dit de les aller chercher eux-mêmes. Donc il y a donc une espèce... Et donc, là aussi, dans cet exemple-là, les esclaves donc, sont pratiquement obligés de créer eux-mêmes les conditions de leur travail, de leur participation au jeu. Et donc, dit Beaumont que l'émancipation, aujourd'hui, donc, peut seulement consister dans le fait de remettre ensemble les deux marges de l'abîme qui s'est créé entre la réalité de l'individu de jure et la perspective de ce que l'individu de facto, donc de fait, donc l'individu, ce que l'individu peut faire réellement, qui donc reste terriblement inférieur à ce qu'on lui propose. Et évidemment, cela est donc le terrain d'une souffrance psychique énorme, donc... d'un sentiment évidemment d'infériorité qui effectivement est aujourd'hui très visible et qui évidemment à partie liée justement avec le narcissisme donc en tant que compensation. Et je répète, c'était beaucoup au moins beaucoup moins marqué dans la modernité classique. Donc si nous prenons l'ouvrier comme la figure classique, l'ouvrier pouvait être mécontent de son sort, mais il n'avait pas l'impression que individuellement il avait échoué. Donc au contraire, il faisait ce qu'on lui disait de faire, donc de travailler, peut-être de mettre un peu d'argent à côté, éventuellement même d'acheter petit à petit une maison, mais il n'avait pas l'idée, il ne vivait pas tout le temps avec l'idée qu'il devrait faire toute autre chose dans la vie et que s'il n'arrivait pas, s'il ne faisait pas la vie d'une une vie de rêve, c'était sa faute, parce que c'était le fait qu'il ne s'engageait pas assez, qu'il n'était pas assez intelligent, assez séducteur, etc. Et voilà, on peut effectivement donc dire, donc, de certaines manières, donc la mentalité capitaliste, dans ces cas, c'est vraiment, donc, avant, était quand même était quelque chose qui entourait l'individu, qu'il pouvait vivre comme une espèce d'imposition extérieure et contre laquelle il pouvait se coaliser avec d'autres, classiquement, justement, dans l'Union ouvrière, dans les syndicats, etc. Donc, tout cela donc, a été incorporé maintenant par les individus, donc, qui vivent pratiquement chacun, effectivement, chacun vit soi-même comme quelqu'un en guerre, donc, qui en théorie, a la possibilité de tout faire dans sa vie, et donc, qui vit effectivement comme une drame, toute défaite dans la vie. Là, c'est en fait très connu, par exemple, que beaucoup de chômeurs aujourd'hui donc, pensent toujours que c'est leur faute. Donc, même s'ils sont. Peut-être, ils savent peut-être sur un plan rationnel qu'ils ont des licenciés parce que c'est l'usine qui a fait ce qu'on appelle un dégraissage. Mais on sait que quand même beaucoup de chômeurs tombent aussi dans la dépression parce qu'ils vivent quand même cela comme une espèce de fait individuel que la vie leur a infligé. Et évidemment, plus on diffuse des modèles de succès, évidemment, plus pour la plupart des gens, donc en vérité, même des conditions de vie qui pourraient être acceptables, au moins acceptables par rapport aux conditions existantes, ces conditions de vie sont quand même vécues comme insupportables parce qu'elles sont toujours évidemment mesurées sur des standards qui pratiquement ne sont pas réalisables, sauf que pour une minorité. Et donc là, donc on vit donc dans une situation d'illusion compensatrice. Et là, évidemment, nous sommes dans une situation de narcissisme, dans une situation qui nous rappelle également donc le spectacle, donc au sens de débord, donc une situation donc, où l'individu doit compenser la pauvreté de sa vie réelle avec des marchandises, qu'ils soient des marchandises matérielles ou des marchandises en termes d'image. Justement, je pense qu'on l'a déjà dit, un des exemples les plus classiques de cette lutte de l'individu contre soi-même et de cette espèce d'auto-observation permanente pour savoir si on... Si on s'engage assez dans la lutte, c'est effectivement classiquement c'est la lutte pour la forme physique, évidemment c'est le fait de contrôler tout le temps son poids, de contrôler chaque fois ce qu'on mange, de se sentir coupable si on a mangé un peu trop, et donc là, cette espèce de même de reprise, si on veut, d'anciennes techniques ascétiques au nom du régime. Et donc, est devenu une espèce de travail sur soi qui n'arrête jamais et qui, répète, qui avant existait pour une minorité et qui est devenu maintenant une esprit de masse. Donc, Bauman utilise la même métaphore comme... peut-être parce qu'elle est très évidente, comme aussi Charles Melmont, donc nous avons parlé l'autre fois, donc en disant qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, donc c'est comme cette impression que le capitalisme va à la dérive. On n'attend plus en général une espèce de sauvetage de part de la société, donc cette idée que la politique ou même une politique alternative soit vraiment capable de renverser cette dérive, en vérité, je pense, probablement même les militants de gauche ou de l'extrême gauche n'y croient plus, donc en vérité chacun pense justement seulement de pouvoir survivre pour soi-même. Ça me rappelle d'ailleurs, j'ai lu récemment, alors on a fait, je pense, une grande enquête c'était publié sur Le Monde, sur l'état de, sur la perspective, sur l'état d'âme des plus jeunes entre 18 et 25 ans. Ils ont dit, c'est une des plus grandes enquêtes jamais réalisées, etc. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais une chose curieuse, d'un côté, il y avait effectivement un pessimisme noir, effectivement, de la part des plus jeunes. Donc ils n'attendaient rien, effectivement, de la part de la société. Ils n'attendaient rien, ils pensaient qu'ils n'étaient jamais assez valorisés selon leurs talents, et donc ils n'étaient pas assez payés. Et dans la société, tout va mal. Et beaucoup, évidemment, disaient qu'ils étaient même prêts à se révolter. Mais de l'autre côté, une grande majorité disait quand même d'être personnellement content de leur sort. Donc, même s'ils avaient l'impression que le cadre général était extrêmement noir, la majorité disait aussi que leur génération avait été défraudée de la part de la génération précédente, que certainement avait mangé, disons, tout le grain. Mais de l'autre côté, la majorité disait aussi d'avoir avec ses propres parents de très bonnes relations. Et donc, ce qui m'avait frappé dans cette enquête, donc il y avait évidemment une grande différence entre une perspective générale et une perspective chacun pour soi. Et donc là aussi, donc c'est évidemment, je dirais que ça rentre un peu dans cette perspective narcissiste au sens large. D'un côté, donc une espèce de confiance en soi-même en tant qu'individu, donc qui se sent de certaine manière persécuté par un cadre général qui ne te permet pas de te épanouir. Mais différemment du passé, donc cela ne porte plus en général à des formes d'agrégation ou de lutte collective, mais justement chacun pense devoir être le seul gagnant dans ce cadre d'une perte générale. Donc comme dit Bauman, même l'idée même de progrès a été individualisé, déréglé et privatisé. Donc même le progrès maintenant est devenu une espèce d'affaire privée. La science même est passée du déterminisme à la théorie du chaos. Et là aussi, j'avais déjà effectivement noté il y a 20 années cet élément que... Lorsqu'il y avait déjà dans les années 80 ou 90, par exemple, justement, il y avait la théorie du chaos et la mode des fractales, donc qui est une chose très spécifique de la mathématique qu'on commençait à appliquer comme modèle aussi à beaucoup d'autres champs du savoir. Il a aussi effectivement, c'était présenté comme un abandon du déterminisme classique mécaniciste. Ça avait parfois l'air comme si la science disait. Voyons si derrière tous ces chaos, peut-être à la fin, il y a une espèce de sagesse de la nature qui fait sortir une solution positive à partir du chaos. Parce que justement, la théorie de fractaux, justement, c'est ça, l'idée qu'on peut quand même calculer et même aussi trouver une espèce de beauté esthétique à partir de formes qui s'échappent justement au calcul classique. Et donc tout est incertain, et donc le monde extérieur est simplement une espèce de joueur parmi les autres. Donc dans ce terme, donc il n'existe que des stratégies à bref terme, et tout avantage doit être immédiat. Donc il n'y a plus donc effectivement ni dans la vie des individus, ni dans la stratégie d'une entreprise, d'un État, etc. Il y a une idée d'investissement à long terme, mais il y a une idée d'une espèce de rente immédiate. Mais là, nous l'avons très souvent vu dans la crise du capitalisme, donc il n'y a pas de stratégie diabolique, mais il y a simplement, même de la part de ce qu'on appelle les décideurs, donc il y a toujours des réactions à très bref terme. Et les bourses, on dit même que ça se joue maintenant sur des fractions de secondes. Et donc, il n'y a donc plus une conduite stratégique possible du capitalisme. Donc, après, pour Beaumont, il admet, là je pense que c'est vrai et faux en même temps, que le travail a perdu son caractère central. Et il a il a maintenant vécu non plus comme avec un sens éthique, mais surtout esthétique. Donc on cherche dans le travail une gratification aussi là, immédiate en tant que telle. Et je dis, c'est vrai ou faux en même temps, parce que effectivement, on peut effectivement noter que les individus tirent leur identité, leur sens d'appartenance de monde au monde de leur travail, aussi parce qu'on change beaucoup plus qu'avant le travail, ils les tirent davantage effectivement de la consommation, comme dit Bauman, souvent donc. Ce qui rapproche les individus, c'est surtout donc, de se trouver avec le même goût culturel, par exemple, avec le même goût musical, avec le même voyage qu'on fait, donc avec tout ce qui est dans les mêmes équipes sportives, donc tout ce qui est du domaine de la consommation. Et en même temps, je pense que c'est aussi une illusion, parce que quand même, la place, le rôle de l'individu dans la société reste déterminé par le travail, même s'il n'y a plus beaucoup de travail. Donc, le travail reste, pour utiliser ce terme de Postone, reste la instance de médiation sociale. Donc, ça veut dire, on pourrait aussi dire, utiliser un peu le terme, par exemple, de Boltanski, que la grandeur d'un individu dans la cité capitaliste est toujours, quand même toujours déterminée par le travail qu'on représente, pour la quantité d'énergie du travail abstrait, que ce soit le travail qu'on peut exécuter soi-même ou le travail des autres, donc on peut s'approprier, c'est quand même toujours une simple quantité de travail indéterminée qui détermine le poids des individus et des choses dans la société, et tout ce qui est concret, donc aussi la consommation, reste toujours comme une forme de forme phénoménale d'une substance qui est justement donnée par cette pure dépense d'énergie. Alors Bauman, donc, il va assez proche du phénomène du travail abstrait, lorsqu'il dit que la séparation des activités productives par rapport au reste des objectifs de vie a permis historiquement de congeler la fatigue physique et mentale dans un phénomène à part, donc comme une chose qui peut être traitée comme toutes les choses, ça veut dire qu'on peut gérer, qu'on peut déplacer, qu'on peut unir à d'autres choses, qu'on peut dépecer. Donc cette espèce de marchandisation du travail, donc c'est l'idée qu'il y a une espèce de marchandisation du travail, c'est réification dans une chose, là, Bauman l'a trouvé, donc, comme il dit lui-même, chez Karl Polanyi. Et il dit que si on n'avait pas opéré cette séparation, qui d'ailleurs est née en Angleterre avec l'économie politique au XVIIe, XVIIIe siècle, donc sans cette séparation, on n'aurait pas pu séparer mentalement l'idée du travail de la totalité auquel le travail appartient naturellement et le condenser dans un sujet autonome. Dans une vision pré-industrielle, dit toujours Bauman, la richesse est conçue comme une totalité. Donc l'exemple typique est la terre, donc où les personnes qui travaillent la terre font partie de cette totalité qui est la terre. C'est la terre qui crée la richesse matérielle. Le travail des êtres humains sert simplement à extraire cette richesse. Évidemment, c'est la vision aussi des physiocrates, mais justement, ici, le problème de Bauman reste trop proche de Polanyi, donc il critique effectivement la transformation du travail en marchandise, mais évidemment, il est de l'avis que certaines choses ne doivent pas être des marchandises, comme pour Polanyi, ce sont de la terre, l'argent et le travail. Tandis que d'autres choses peuvent être, par leur nature, des marchandises. Mais évidemment, c'est différent de l'approche de la critique de la valeur, pour laquelle le problème est le fait même qu'il existe cette double nature du travail, donc cette séparation entre l'aspect d'utilité et la quantité d'énergie humaine qu'elle représente. Et donc, aucun objet, de certaine manière, peut être innocemment une marchandise. Donc ce n'est pas simple. Il n'y a pas une, on ne peut pas faire une séparation entre des choses qui devraient être protégées de la marchandisation et d'autres choses qui peuvent être des marchandises sans problème, qui, je répète, est un peu la position de Polanyi que Baumann reprend. Alors, dans ces contextes, donc, selon Baumann, justement, les individus ne se définissent plus à travers le travail, mais à travers la consommation des marchandises. Différemment du travail, la consommation, d'ailleurs, ne demande aucune coopération entre individus, donc la consommation est par sa nature atomiste, donc ne crée pas de véritables communautés. Et là, il analyse souvent avec beaucoup de détails justement le caractère infantile de la consommation d'aujourd'hui, justement parce que la consommation doit arriver tout de suite, elle n'est jamais appréciée, parce qu'en général, c'est la attente, c'est le retard dans la gratification qui donne de la valeur, de la valeur, maintenant c'est humaine, aux objets. Et là où chaque désir, où chaque besoin est satisfait immédiatement, comme dans la situation consumériste, il n'a pas d'importance justement pour ça. Et donc on sent tout de suite une insatisfaction et l'objet donc est jeté et remplacé par une autre. Et donc, tandis que l'industrie de la consommation donc, ne veut plus satisfaire des besoins comme avant, au contraire, elle veut donner des objets, donc la satisfaction passe très vite pour être remplacée avec d'autres objets. Donc, le consommateur ne doit jamais être vraiment satisfait, il doit toujours être satisfait à moitié, donc pour tout de suite trouver quelque chose d'autre ferait mieux l'affaire. Et donc cette recherche, donc en vérité, ce qu'on cherche donc surtout, donc c'est la gratification immédiate, mais qui n'offre pas une sens de sûreté, mais qui simplement étouffe la sensation de vulnérabilité. Justement, Baumann analyse beaucoup et très bien, exactement, ce sont des vulnérabilités, le fait que dans le monde liquide, on ne peut plus compter sur rien, donc ni sur le travail, ni sur la famille, ni sur l'amour, ni sur les amis, ni sur la géographie. Donc tout se trouve dans une forme de récomposition permanente, et donc tout peut changer d'un jour à l'autre. Évidemment, après, il y a des différences d'un pays à l'autre, mais on sait qu'aux États-Unis, cette espèce d'instabilité permanente est beaucoup plus forte que les individus, je pense que la plupart des Américains changent, je crois, d'habitation tous les 5 ans, de travail également. Et d'accepter ce changement et même considéré comme une espèce de valeur sociale. Par exemple, on sait que combien d'Américains avaient perdu leur habitation après la crise de subprime en 2008. Et on s'étonne que finalement que cela a créé relativement peu de mécontentement social. Mais il semble que c'est dans la mentalité américaine, cette idée, il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas s'en prendre à d'autres. Si tu perds ce que tu as créé, donc tu vas, si tu es un individu qui vaille, tu vas repartir, tu vas avoir succès une autre fois, tu vas t'acheter une autre maison. Et que d'attendre une solution, évidemment, de la part de la société, ça veut dire de ne pas avoir confiance en ses propres forces. Évidemment, les États-Unis ne sont pas tous comme ça, mais il semble que c'est là assez répandu que mentalité, et que d'une certaine manière, c'est la mentalité libérale par excellence. Et vous, même ces jours-ci, vous voyez dans la presse combien, surtout les... On critique la France à l'extérieur parce que justement, on critique toujours que les gens s'attendent trop de l'État. Donc selon le terme anglo-saxon, que les Français n'ont pas assez de confiance dans leur propre force. Et donc, c'est exactement ce que dit Baumann. Donc, on dit à l'individu de ne compter que sur soi-même sans lui donner vraiment les moyens de faire quelque chose. Alors après, comme je dis, le livre de Beaumont, donc, il passe beaucoup d'un argument à l'autre, c'est assez stimulant, même si c'est parfois un peu répétitif. Et donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais encore peut-être commenter quelques aspects. Il y a donc, justement en parlant de la consommation, donc il insiste, comme d'ailleurs cet autre auteur, beaucoup d'autres, sur l'idée d'infantilisation. Donc le capitalisme, donc justement, il n'est pas simplement injuste, ou la consommation, ce n'est pas simplement une moyenne pour, disons, endormir la classe ouvrière, comme avait peut-être dit à l'époque du capitalisme classique. Ou la consommation, ce n'est pas simplement une autre forme d'exploitation où les ouvriers doivent racheter cher, qu'en vérité c'est eux-mêmes qui l'ont produit. Mais dans les analyses, et c'est sociologue contemporain, justement dans la consommation, devient donc une espèce de régression anthropologique. Et là, c'est peut-être un aspect qui justement nous intéresse ici, parce que, depuis le début, je tente un peu d'élaborer ou de délinéer ce que j'appellerais le paramètre fétichiste narcissique. Donc justement de décrire le capitalisme pas simplement comme une société basée sur l'exploitation ou basée sur une domination d'une classe sur une autre, mais justement comme une forme de domination anonyme qui s'explique au terme collectif comme fétichisme et au terme individuel surtout comme narcissisme. Et donc en insistant sur le fait qu'évidemment que cette constitution forme une espèce de régression à d'autres formes d'humanité ou de socialité qui ont déjà existé. Évidemment, jamais l'humanité a été une belle chose, donc aucune société n'a été parfaite, loin de là. Bon, d'une certaine manière, on peut dire que le capitalisme, surtout dans sa phase récente, et brade même le peu que de cette manière l'humanité peut-être a su construire pour pousser donc vers des solutions absolument régressives. Et donc voilà aussi, j'ai beaucoup, évidemment, une thématique qui est très loin de toute une partie de la gauche actuelle. Par exemple, tous ceux qui parlent du capitalisme cognitif, par exemple, au contraire, affirme qu'en vérité, la diffusion des connaissances informatiques ou d'autres formes de connaissances, au contraire, démontre qu'en vérité, les individus sont plus riches, plus mûrs, plus développés que jamais, mais que malheureusement, il existe toujours une forme de propriété privée et de domination des classes qui empêche aux individus de faire... De développer vraiment leur capacité. Je dis, c'est un peu le fond de commerce du post-opérisme à la Tony Negri ou à la Jan Müller-Boutong, qui a eu un succès notable, d'ailleurs, justement, je dirais, parce qu'il titille d'une certaine manière le narcissisme, surtout de ses couches même, donc qui, en certaine manière, sont déjà conçus comme une espèce de peuple parfait, qui devrait simplement se libérer d'une couche parasite qui encore leur impose des conditions archaïques. Donc, par rapport, donc, et même d'autres... Et même d'autres approches plus classiques, d'une certaine manière, d'une défense, par exemple, des intérêts des salariés, des classes travailleuses, etc., qui peuvent évidemment être justifiés dans les détails. Il suppose quand même, de certaine manière, toujours que les individus, en tant que tels, ont déjà une richesse potentielle qui mérite d'être défendue contre une attaque qui vient de l'extérieur, par exemple sous forme de coupe à l'état social. Tout cela évidemment est vrai, mais je trouve que cela n'y va pas assez loin. Le capitalisme opère une espèce de régression beaucoup plus subtile, mais plus forte et plus dangereuse, où les individus se développent d'une manière très différente par rapport au passé, et surtout où on stimule des solutions régressives à des problèmes que certaines manières, chaque société, aussi, mais aussi chaque individu, ont toujours dû traiter. je ne sais pas si là vous me suivez, mais j'ai trouvé que c'était peut-être la chose justement la plus intéressante aussi chez Lesch et chez Dufour. Voilà pourquoi j'aimais beaucoup insister sur ces auteurs-là. Justement, ils disent donc que le capitalisme n'est pas simplement une espèce de violence, ou même pas seulement violence symbolique contre des êtres humains déjà formés, mais le capitalisme ne permet de moins en moins le même développement d'un être humain riche et pour dire aussi mûr, justement parce qu'il stimule depuis la plus petite enfance. Il stimule pratiquement une solution régressive, comme nous avons dit en termes psychoanalytiques, donc d'éviter aussi les affres des conflits édipiennes et de passer plutôt pour des faux fuyants, donc où on évite plutôt les problèmes de la séparation et la douleur de la séparation des petits enfants, et plus, il n'est jamais vraiment affronté, mais plutôt renvoyé. Et donc où l'individu plutôt a que partir à partir de ses forces limitées mais réelles, donc est de plus en plus poussé à vivre dans un monde illusoire de toute puissance, où les sensations de toute puissance illusoire s'alternent à des sensations plus réalistes en vérité de impuissance totale. Et donc où la consommation des marchandises en général, mais aussi surtout la consommation des drogues en spécifique ou de ces drogues particulières que sont les médias, aide de certaine manière donc à garder souvent toute la vie cette espèce d'illusion sur sa propre non-séparation avec les instances originaires dans la vie. Alors voilà pourquoi, je répète, j'ai trouvé que ces auteurs qui traitent du narcissisme touchent comme un aspect qui n'est pas souvent indiqué. En même temps, vous l'avez compris, je trouve que ces auteurs-là, donc surtout Lesch et Dufour, ne savent pas vraiment expliquer pourquoi cette régression a eu lieu. Donc il y voit une espèce de perte du sens civique, une espèce de perte du citoyenne, où il le rattache de manière plus superficielle à des changements économiques, comme par exemple le remplacement du petit artisan ou commerçant individuel avec des grosses structures bureaucratiques qui font perdre à l'individu leur autonomie en sens économique, mais il n'y a pas une articulation avec le travail abstrait et avec la valeur, donc avec une structure sociale de certaine manière qui a tendance à effacer donc tout contenu et donc justement à porter à cette espèce d'indifférenciation. Nous l'avons maintenant souvent dit, dans une société de la valeur, le concret, en vérité, n'existe qu'en tant que représentation particulière et phénoménale d'une réalité plus profonde qui est la substance de la valeur, mais qui n'a pas de contenu. Donc il y a cette inversion entre concret et abstrait dans la société de la valeur. Et là où cette société, donc ça fait des siècles que cette structure existe, donc elle a commencé peu à peu, elle a envahi toutes les structures sociales et la psyché des individus. Et c'est cette structure de la valeur qui explique la structure narcissique des individus, qui évidemment de sa part la renforce. Excusez-moi si parfois je me répète, mais en même temps, parce que je trouve que quand même que cette articulation est peut-être ce que moi personnellement je crois est la chose la plus originelle que j'ai à dire ici, parce qu'évidemment je n'ai ni inventé la critique de la valeur ni la théorie du narcissisme, mais moi je trouve qu'il y a cette articulation qui manquait. Et donc ça veut aussi dire que la crise du capitalisme donc n'est pas seulement une crise ni seulement économique ni même pas seulement doublée d'une crise écologique, mais aussi une crise des civilisations ou pour dire un autre mot compliqué, elle est une espèce d'anthropogénèse régressive. Ce concept, anthropogénèse d'une naissance de l'homme, donc du développement de l'homme, de l'affinement progressif de capacité de l'homme qui, dans ces cas-là, du capitalisme, arrive à l'envers, comme un film de certaine manière qu'on commence qu'on joue à l'envers, où les personnes font tous de manière donc, exactement le contraire de ce qu'ils avaient fait dans la première version. Et des exemples, anthropogenèse régressive, on peut comme, sans d'ailleurs tomber dans aucune idée d'un progrès linéaire, d'une évolution toujours bénéfique, on peut quand même dire, ce que je pense, que la diffusion progressive de l'alphabétisation a quand même été une forme effectivement d'anthropogenèse au sens positif. C'est un véritable progrès lorsque tout le monde a commencé à lire et lorsque le livre était à peu près la seule forme de savoir, comme au 19e siècle, je pense qu'on ne peut pas douter que cela a porté à un enrichissement de la vie humaine. Quand 200 000 personnes sont venues à l'enterrement de Victor Hugo, on peut quand même dire que la littérature avait un véritable poids dans la société à cette époque-là. Donc, on peut quand même dire qu'au XXe siècle, donc la grande perte de fonction du livre, le retour à une forme d'image a quand même comporté une forme de régression vers des formes plus infantiles. Évidemment, c'est le contraire de ce que a dit le feu Marshall McLuhan, mais en revanche, cela est affirmé sur un ton très simple, mais assez convaincant, par le sociologue américain Neil Postman, je crois que j'ai déjà cité, notamment dans son livre qui en France s'appelle « Même si City », donc nous amusons à se distraire ou de mourir, publié par Flammarion en 1986. En anglais, Amusing Ourselves to Death. Un livre excellent, d'ailleurs, même très facile d'accès, mais qui résume très bien cette idée que l'abandon du livre, ou la presque, à faveur de la télévision, a comporté une espèce de perte de richesse humaine possible. Ou. D'ailleurs, le même autre exemple d'anthropogenèse régressive, qui est d'ailleurs également traité par le même Postman, il a écrit un autre livre qui s'appelle La disparition de l'enfance, où il affirme que parmi les conséquences du livre a aussi été la naissance de la catégorie même de l'enfance, donc l'idée que les enfants doivent grandir dans un espace protégé, que les enfants ne doivent pas être trop tôt mis en relation avec des relations difficiles à comprendre pour eux, donc notamment avec la mort et avec la sexualité, et donc qu'il doit par exemple exister une littérature spécifique pour eux, donc qui met par exemple sous forme de fables, qui leur permet une approche adéquate à leur âge, à certains éléments difficiles à comprendre. Et donc on sait que la grande époque donc, de l'enfance, c'était le 19e siècle, le début du 20e. Et Postman, donc, il affirme donc, avec la télévision, de certaine manière, l'enfance a tendance à disparaître à nouveau parce qu'on regarde donc tout le monde le même programme. C'est comme une analyse des années 80. Donc effectivement, cette espèce de jardin protégé de l'enfance a tendance à disparaître. Et donc les enfants regardent à nouveau, donc trop tôt, de certaine manière, les mystères et les faits horribles de la vie. Et donc là aussi, sont trop stimulés. D'ailleurs, une fille je pense que toutes les analyses de l'enfance aujourd'hui également partage donc l'idée qu'il y a une espèce de surstimulation des enfants donc en termes par les médias et donc qui n'ont pratiquement plus droit à l'enfance et qui grandissent trop tôt et qui sont les proies préférées de toutes les stratégies publicitaires et donc effectivement cette espèce de et donc cette se fait, donc de transformer des enfants donc, dans des espèces de, on pourrait dire, des enfants soldats de la consommation, ou même par exemple en créant même des programmes télévisuels pour des bébés. Il existe en Angleterre une chaîne qui s'appelle Baby TV, donc qui ne transmet que pour des nourrissons. Là, on peut dire aussi, c'est évidemment clairement un phénomène de régression. Et donc, l'infantilisation est également donc liée à cette phase postmoderne. Donc, nous sommes toujours dans le cas à peu près dans les dernières 30-40 éons, parce qu'on sait qu'au contraire, la modernité classique avait au contraire très fortement séparé l'enfance et l'âge adulte. Et au contraire, en général, mépriser justement l'enfance comme un âge où on n'était pas mûr, on n'était pas responsable, on comprenait rien. Et où l'éducation, en général, se proposait justement de brimer toutes les tendances spontanées de l'enfant. Et donc, justement, l'éducation, ça voulait dire, en général, de faire à l'enfant toujours le contraire de ce qu'il avait spontanément envie de faire. Donc, c'est bien connu. Ce qui a poussé justement beaucoup de forces de contestation, justement à affirmer une espèce de valeur de l'enfance, souvent à poser l'enfance comme une espèce d'état originaire de l'humanité qu'il fallait défendre. Et donc surtout donc, l'histoire aussi, par exemple, des mouvements anarchistes, par exemple, souvent. est riche donc d'exemples d'éducation anti-autoritaire, d'éducation différente qui ont tenté, d'ailleurs en général avec des résultats assez mitigés, justement une éducation où il n'y a pratiquement aucune forme d'imposition contre les enfants. Et donc avant c'était, même moi personnellement, comme je dis, je peux grandir à la frontière, au moins ceux qui sont plus grands que moi peut-être se rappellent, jusqu'aux années 70, c'était, comment dire, presque une honte d'être enfant. Non, donc on pouvait être bien entre enfants, mais on n'avait pas le droit de parler à table. Donc l'opinion qu'on émettait, même en adolescent, était déjà déqualifiée, déjà parce qu'on était jeune. On disait, ah, ben, qu'est-ce que tu comprends? Tu es jeune, tu n'as pas d'expérience de vie. Et donc souvent, on avait même hâte de grandir pour finalement, d'une certaine manière, avoir davantage de droits pour pouvoir finalement aussi dire sa propre vision. Hein. Mm-hmm. Et donc, c'est là que ça a changé, comme beaucoup d'autres choses, à une vitesse étonnante. Évidemment, je le vois même dans mes enfants. Ils n'ont pas envie de grandir parce que grandir, ça ne leur apporte rien. Donc, ils ont déjà presque tous les droits. Et donc, grandir, ça ne veut plus dire d'acquérir de nouveaux droits, mais seulement d'acquérir de nouveaux devoirs. Et donc, l'enfance est devenue, effectivement, souvent été analysée, effectivement, une valeur sociale, donc où tout le monde veut être jeune, et donc où la jeunesse est en tant que telle une valeur. Et cela, d'ailleurs, était très bien dit pour quelqu'un qui n'était pas un sociologue. Je ne sais pas si je l'ai déjà cité, le styliste Yves Saint Laurent avait dit vers 67, il avait dit avant, c'était les filles qui voulaient ressembler à leur mère, évidemment par rapport aux vêtements. Aujourd'hui, ce sont les mères qui veulent ressembler à leurs filles. Et effectivement, cela n'a plus changé depuis lors. Avant, c'était le contraire. Et on peut aussi se demander quel était alors l'apport des contestations, surtout de la contestation de 68, justement à ce changement de paradigme et à cet remplacement du paradigme adulte avec l'enfant comme modèle. Parce que, en effet, l'opinion, évidemment, des vieux réactionnaires par rapport, par exemple, au mouvement étudiant, c'était souvent d'y voir quelque chose d'infantine, une expression des gens qui ne voulaient pas accepter les règles donc, du devenir adulte. Et évidemment, là, c'était une polémique bête. Par exemple, vous connaissez, je pense vous rappeler de cette phrase, il semble qu'un des éléments... qui avait déchaîné 68, non, c'était la visite d'une ministre à la maison des étudiants à Nanterre, non, je crois, les étudiants et Cohn-Bendit ont tête se plaignaient du fait que l'accès au bâtiment des étudiantes leur était interdit. Et les ministres disaient, si vous avez des problèmes sexuels, jetez-vous dans la piscine froide, non. Ben, c'était évidemment une blague bête des vieux réactionnaires. Mais on peut quand même, de certaines manières, peut-être dire en rétrospective qu'il y a... Et c'est quand même là que l'esprit tout de suite a commencé à sa victoire sociale. Et que même le contenu politique a très vite disparu pour pratiquement faire face, évidemment, tout de suite seulement en termes de consommation. Là, c'est un peu aussi le sujet du livre de Boltanski qui appelle « Le nouvel esprit du capitalisme ». On pourrait aussi citer, c'est-à-dire on a souvent cité à ce propos même le livre du situationniste Raoul Vaneghem. Mm-hmm. Donc évidemment cette idée jouir sans entrave et vivre sans temps mort était évidemment un coup dans la figure de l'esprit en archaïque de l'époque, mais est très vite devenu une espèce de slogan publicitaire, comme aussi d'ailleurs autre titre de Vaneghem, du genre Nous qui désirons sans fin. Ce n'est pas un hasard que je pense depuis des années, je vois des publicités pour un supermarché, je m'appelle laquelle, qui joue toujours sur le slogan de 68, du genre le pouvoir d'achat, et donc vous l'avez vu, non? Souvent, on reprend des campagnes publicitaires qui sont toujours des détournements de champagne. Sont toujours même dans le graphisme et dans le slogan, sont des détournements du slogan de 68. Du genre, tout le pouvoir aux consommateurs. Mais publicitaires, c'était aussi souvent d'anciens 68 ans révolutionnaires aussi, qui se sont reconvertis. Les maoïstes. Oui, maintenant, ils seront déjà à la retraite, mais évidemment, ils ont fait encore. Oui, mais par contre, il y en a un qui est sorti sur Paris Plage, sous la plage des pavés. Ah, si, ça, oui. C'est pas de 68, c'est bien avant, ça. Oui, bien sûr. Oui, mais il s'appelle inverse. Alors d'abord, donc, on reprend le slogan de 68 et en plus on le reprend sur le mot du détournement. Donc on détourne le détournement situationniste. Oui. Là, on pourrait, je pense, faire plein de recherches sur ça. Je me rappelle, par exemple, presque par hasard, la chanson d'un groupe assez caractéristique de l'époque, Jefferson Airplane, qui chante Faites tout ce que vous voulez, qui après, les secours arrivent très vite aux voitures, donc aux objets de consommation. Parce que rappelons aussi, à cette époque-là, la consommation, surtout des plus jeunes, était presque plutôt encore stigmatisé comme une forme de vice. Par exemple, les parents disaient à leurs enfants plutôt aller à pied. Si tu veux une bagnole, il faut d'abord que tu trouves un travail pour pouvoir te permettre une voiture. Donc vouloir trop par rapport à son âge, à sa situation, était plutôt conçu comme une espèce encore de effronterie. Donc, et donc même de revendiquer qu'une personne de 20 ans revendiquait sa propre voiture, donc était déjà presque, à l'époque, pouvait presque passer par un acte révolutionnaire, au moins une espèce de révolte générationnelle. Oui, mais parce que quelques décennies avant, ceux de 20 ans étaient déjà au boulot. Là, il y avait eu l'allongement de la scolarité, on était dans une autre société. Oui, mais il y avait aussi l'idée qu'il était faux, justement, souffrir avant de jouir. Et je me demande même, je ne me rappelle pas, peut-être le Slimakon, est-ce qu'on a vraiment réalisé en grande échelle les crédits immobiliers? Moi, je crois jusqu'à une certaine époque, les gens économisaient d'abord, une fois qu'ils avaient la somme, ils achetaient les logements tous ensemble. Pour l'immobilier, c'est difficile. Oui, mes parents, mes grands-parents, ils avaient déjà. Non, pour la voiture. Tout de suite, quand même, une maison. Peut-être pour les objets de consommation, les voitures. Oui, pour les voitures, donc après, donc c'est devenu toujours plus large. Il y avait quand même le slogan bourgeois typique, c'était latin per aspera ad astra, donc à travers la fatigue jusqu'aux étoiles. Donc c'était Et c'est évidemment tout le... Si on était resté avec cet esprit-là, évidemment, le capitalisme consumériste n'aurait jamais pu se développer. Et là, donc, on a eu plein de détournements surprenants. Je veux dire... Une récupération. Oui. Non, par exemple, je citais cette phrase de... une chanson de Jeff Fosson Airplane qui chantait Do whatever you want. Ça me rappelait un peu par association donc dans les mémoires d'une révolutionnaire de Victor Serge. Il raconte une communauté qu'il était, si vous connaissez la figure de Victor Serge, avant de devenir bolchevique, il était plutôt anarchiste individuel. Mm-hmm. Donc c'était assez répandu en France et en Belgique à l'époque, donc plutôt influencé par Nietzsche que par. Que par Marx, c'était évidemment ça aussi donné la bande à Bono. Et il raconte d'ailleurs qu'il fréquentait une espèce de community libre en Belgique qui avait écrit sur la porte une phrase tirée de Rabelais, et disait fais ce que veux, donc fais ce que tu veux, donc exactement la même phrase de Jefferson Airplane, qui était à cette époque-là évidemment une revendication révolutionnaire dans une société où toutes les instances disaient aux individus fais ce qu'on te dit de faire. Mais donc même, mais là aussi, donc même les anarchistes individualistes, même quelqu'un comme Stirner, à certaines manières, ont une postérité parfois peu recommandable sous la figure des libertariens, donc de cette espèce de libéraux extrêmes, surtout dans le monde anglo-saxon, qui se réclament du... et du, évidemment parfois de l'anarchisme, mais qui effectivement donc surtout prêche une espèce de droit donc de l'individu à tout faire ce qui est en son pouvoir, et donc parmi d'autres choses, par exemple les libertaires, par exemple ont combattu par exemple toute loi pour limiter la consommation de tabac, donc après on a su même qu'ils ont été payés par l'industrie du tabac. Donc, après donc il n'y a aucune limite évidemment si tu pose donc la jouissance de l'individu comme là tu es évidemment dans, même avec des arguments anarchistes tu rentres dans un régime libéral plein, et cette évolution a d'ailleurs été prévue d'une manière que je trouve géniale par le poète portugais Ferdinand Pessoa. Je ne sais pas si quelqu'un a lu Le banquier anarchiste, qui est un livre génial à sa manière, et je dirais même que tout le groupe de gauche, au moins ceux qui se croient anarchistes, devraient faire une lecture collective de ce livre. Et c'est mesuré avec les arguments. On devrait vraiment voir qu'est-ce qu'on trouve opposé à cette logique implacable du banquier qui explique comment restons toujours fidèles. C'est des dialogues fictifs dans ce livre, ce que l'on n'a pas lu. Où donc, une banquier riche donc, explique donc, avec une logique effectivement implacable donc, à son ami pourquoi tout en restant rigoureusement anarchiste il est devenu un banquier, donc parmi les plus riches, les plus cyniques, les plus rapaces, mais au nom de la liberté individuelle. Donc, oui, interdit d'interdire, c'était... Oui, sans entrave, c'était... Oui, mais enfin, il faudrait aussi additionner tout le poids de la répression, enfin, à l'époque, pour expliquer... À quelle époque de... À l'époque de l'après-guerre. Oui. Les avortements clandestins, les femmes traînées au tribunal, médecins arrêtés avec des fichiers, et tout le monde passe en justice, enfin, des choses terribles. Ouais. Et donc, c'était évidemment... Oui, l'éducation aussi. Enfin, moi, je trouve que ça a été quand même quelque chose, la contraception orale, ça a permis quand même de débloquer certaines choses. Oui, mais justement, voilà pourquoi on peut dire aujourd'hui le 68 mondial a été une espèce de ajustement de superstructure archaïque à ce qui était maintenant la réalité du capitalisme. Donc cela a pu passer, apparaître comme une révolution. D'ailleurs, si on regarde par exemple, l'avortement a été introduit en France par un gouvernement conservateur, donc ce n'était pas quelque chose de l'acte de gauche. Absolument. Le divorce et l'avortement ont été faits en Italie à l'époque par un gouvernement de droite. Le divorce était introduit au Brésil à la même époque, toujours par le régime militaire. Et donc, à l'époque, même des régimes qu'on pourrait appeler réactionnaires ou conservateurs, on fait enfin, beaucoup plus qu'aujourd'hui des régimes qu'on appellerait de gauche. Mais parce qu'ils ne pouvaient plus pas faire autrement. Oui, exactement, parce que c'était quand même finalement dans l'intérêt objectif d'un système, comme la réforme du code de la famille, comme baisser l'âge majeur, donc qui était presque partout de 21 ans, qui était baissé à 18. Et ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, démontre aussi la faiblesse de toute politique, de toute intervention de l'État dans ces cas-là. Donc, de même qu'aujourd'hui, même des gouvernements qui se proclament de gauche font toujours une politique qu'on dirait de droite, à l'époque-là, souvent des gouvernements qui étaient de droite faisaient une politique qu'aujourd'hui on dirait plutôt de gauche. Donc on voit combien est petit le poids des intentions affichées des personnes par rapport à une espèce de logique structurelle. Et le poids de la marchandise. Ouais. Un ouvrage célèbre aussi, c'était les enfants de Summerhill. Oui. Ah oui, on va alors là tout. Ouais. Best-seller. Hein. Oui. Je ne sais pas justement où j'avais lu que certaines de ces enfants étaient si épanouis qu'après ils se sont enrôlés à l'armée et donc ils sont devenus des pilotes d'avion toujours très épanouis, décomplexés et tout. Voilà. D'autres sont devenus routiers. Routiers. Oui, je crois qu'il y a le cas d'un ancien, oui, conducteur de poids lourd. C'est un peu pour... il n'y avait pas que les avions. Oui. D'ailleurs, parce qu'on parlait de libertarians, évidemment, c'est aussi l'idéologie qui prévaut surtout parmi dans les milieux informatiques, par exemple parmi les fondateurs de Google, c'est dans tous ces milieux-là. Donc il y a là une espèce de liberté qui, évidemment, qui est la liberté du plus fort. Par exemple, lorsque Google, par exemple, veut numériser toutes les bibliothèques, tous les livres du monde, donc apparemment c'est un service rendu à la liberté, à libre accès au savoir. Oui, mais ce qu'on sait, c'est que tous les enfants de ces gens-là, ils les mettent dans les écoles spéciales où il n'y a pas d'informatique et du travail manuel jusqu'à 15 ans. Oui. 13 ans. Ça montre bien comme leur valeur. À Silicon Valley, pas d'ordinateur pour les enfants de mettre, on crée des boîtes d'informatique jusqu'à 13 ans. Oui. Et comme Henry Ford, qui à la fin de sa vie, il s'est retiré sur une montagne où surtout il n'y avait pas de voiture. Donc, ce qui d'ailleurs nous reporte un peu même aux banquiers anarchistes et PSOA, donc au paradoxe que certaines personnes découvrent que pour se protéger du méfait de la société où ils vivent, il faut en participer pour acheter le privilège d'en rester dehors. Oui. Jacques Attali dit ça, la véritable richesse, bientôt, ce sera d'être déconnecté dans un désert, etc., avec un régime extrêmement frugal. Oui. La véritable, dit Jacques Attali, pourtant, c'est un progressiste, hein, le dépouillement, l'isolement, la déconnexion, etc., ce sera la véritable richesse. C'est bizarre, parce que moi, par exemple, au début, quand je disais que je n'ai pas de portable, on me disait, hein, le pauvre... Et maintenant, quand je le dis, je dis « Ah, je te envie, moi je ne pourrais pas me permettre de ne pas en avoir ». Donc c'est devenu plutôt un signe des richesses de ne pas avoir de portable, donc de ne pas avoir nécessité d'être toujours connecté. Hein. Mais je pense que ça reste quand même très, très minoritaire. Donc, Donc encore deux remarques pour terminer. Donc, alors tandis que j'ai dit donc que les auteurs font c'est une approche en termes plus psychoanalytiques, comme nous avons vu, ne sont pas très nombreux. Évidemment, les sociologues critiques, il en existe beaucoup, surtout il en existe aussi beaucoup qui sont semi-critiques, ou parfois, comme j'ai dit, comme Lipovetsky, qui disent des choses involontairement critiques. Et donc, et là, les discours pourraient être très longs, ce qui est toujours une bonne raison pour ne plus en parler. Et il y a comme au moins deux points qui me semblent toujours problématiques chez ces auteurs. Et je le répète, donc d'un côté, ils donnent beaucoup de poids à la question de la consommation. Donc il semble donc que le tort principal de la société aujourd'hui, c'est d'être une société de consommation. D'ailleurs, c'est un terme qui est apparu autour de 68. Évidemment, c'est Baudrillard, un des premiers, donc, utiliser ce terme, qu'il avait déjà un peu trouvé chez Henri Lefebvre, qui d'ailleurs disait très justement, Henri Lefebvre disait que le terme société de consommation n'a pas de sens, parce que tout est consommation, mais il faut, donc, je pense, Lefebvre disait, il fallait toujours dire société bureaucratique de consommation induite. C'est un peu plus long, mais c'est assurément plus correct. Et donc, d'un côté, il est vrai, comme nous l'avons vu, pour ce qui concerne évidemment là, un niveau de surface sociologique, les individus trouvent le sens de leur vie beaucoup plus dans la consommation que dans le travail. Comme nous l'avons dit, c'est sûr qu'aujourd'hui, souvent, on se définit plutôt pour le fait de suivre les hip-hop plutôt que pour le fait d'être secrétaire dans une entreprise. Où on se définit, on trouve le sens de sa vie plutôt dans le fait de partir avec aventure dans le monde, plutôt que du fait d'être chauffeur de métro. C'est un fait bien connu que l'identification avec le travail baisse aussi au côté, surtout le travail n'est plus considéré comme une chose qu'une fois continué, ça va durer pour toujours. Une fois, on écrivait même sur le tombeau de Jean Dupont, facteur. Donc évidemment, les gens étaient... Les professeurs, ça faisait partie vraiment du noyau, surtout au 19e siècle, au début du 20e. Aujourd'hui, je pense que ce serait difficile. On trouve une inscription sur une tombe avec la profession. En même temps, on se trompe quand même si on pense que la société tourne autour de la consommation, parce qu'on ne peut que consommer que ce qui a été produit avant. Et évidemment, c'est une banalité si maintenant on le dit en termes matériels, mais ce n'est pas tellement banal si nous rappelons que la production matérielle dans une société marchande ne sert que comme porteur de la production des valeurs. Là où il n'y a plus de production des valeurs, même la production d'objets de consommation s'arrête peu à peu. Et même les individus, lorsqu'ils ne réussissent plus à se emparer d'une manière ou d'une autre d'une portion des valeurs, ils ne servent même plus comme consommateurs. Donc, chez certains sociologues, même à gauche, ou même dans des mouvements qu'on appelle du genre décroissante ou anti-industrielle, etc., il semble parfois que la société, que le service principal que la société demande aux individus, c'est de consommer les marchandises, parce que c'est comme relatif. Il demande essentiellement, surtout, de dépenser la valeur qu'ils ont obtenue quelque autre part. Et la consommation est quand même largement liée à la concurrence entre les différents capitaux et donc liée à la surproduction des marchandises. En vérité, chaque produit tente d'attirer la consommation plutôt que vers soi-même plutôt que vers d'autres produits. Mais dans l'ensemble, il est clair que les individus, autant qu'ils peuvent encore avoir un peu d'argent, des valeurs disposition, ils vont les dépenser pour une chose et pour une autre chose. Évidemment, la consommation regarde essentiellement le choix pour quel produit ils vont les dépenser. Non, parce que souvent, même des analyses critiques, comme par exemple celles qui ont été proposées en France, par exemple le groupe Marcuse, qui a publié le texte par exemple, qui s'appelle « De la misère au milieu publicitaire », c'est intéressant dans beaucoup de détails, mais là, on présente la publicité comme une espèce de manipulation permanente des individus pour les convaincre d'adhérer à la société capitaliste. Et là, je suis moins convaincu de ça, parce que je ne crois pas qu'il faut toujours les convaincre. Donc, on voit toujours dans le monde entier, en général, dès que une certaine société traditionnelle est disparue, en général, les individus se jettent très volontairement sur toute forme de consommation. Ce n'est pas sur une consommation, c'est sur une autre. Donc, il ne faut pas convaincre les gens à consommer. Il faut juste les convaincre à consommer la Coca-Cola plutôt que la Pepsi-Cola. Oui, il y a une compétition. Oui, c'est une compétition entre les différentes marchandises plutôt. Parce que là, c'est une autre, justement, l'autre grand problème, et l'adhésion des individus. Donc, pourquoi les individus, d'une certaine manière, adhèrent, d'une certaine manière, avec, souvent, presque avec enthousiasme, à la société marchande et de consommation. Pourquoi même la flexibilité, la précarité n'auraient pas pu se imposer avec cette facilité s'il ne venait également, satisfaisait également certains désirs des personnes. Donc là, c'est aussi une faille dans beaucoup d'analyses altermondialistes, etc., où tout le néolibéralisme présenté comme simplement une violence, une manipulation, où on semble présupposer que tout le monde voulait revenir aux années 60, travail à durée indéterminée avec sa carrière prédéterminée, avec la retraite déjà organisée, etc. C'est pas ce que disaient des croissants, quand même. C'est pas ce que disaient des croissants. Oui, mais si vous parlez, avec des très jeunes, des gens de 20 ans, 25 ans, ils se plaignent de la précarité, mais en même temps, ils ne voudraient pas revenir vers la stabilité, vers la situation stable d'avant, qui est conçue pour eux comme une espèce d'ennui terrible. Aussi, il faut aussi se souvenir que ce monde, donc Pierre Bourdieu, le monde diplomatique semble avoir tellement de nostalgie, c'est-à-dire le monde des 30 glorieuses, c'est exactement le monde terriblement ennuyeux et prévisible contre lequel on s'est révolté en 68. Et je pense qu'il faut quand même comprendre jusqu'à quel point le capitalisme et même le néolibéralisme a aussi su capter beaucoup de désirs des individus. Donc là, je trouve que c'est aussi la force de livre Le Nouvel Esprit du Capitalisme. Bien sûr, il a su les capter en les détournant et en les falsifiant. Mais tout ce changement n'a pas été vécu simplement comme une espèce de violence. Mais aussi, donc, pour beaucoup de gens, ont quand même pris à la lettre cette idée que de l'opportunité ou de quelque chose de plus excitant, de plus mouvant. Et donc même cette modernité liquide, donc Paul Bauman, oui, est vécue comme un danger, mais si vous proposez à une personne de 25 ans, est-ce que maintenant tu peux avoir, comme tes parents, un travail stable garanti jusqu'à la retraite, avec une progression sûre donc de carrière à l'intérieur? Tu vas te marier, rester avec cette personne jusqu'à la fin, tu vas avoir... Tu vas avoir deux enfants, tu vas acheter ta maison de propriété qui va jamais être saisie. Vous trouvez que beaucoup de gens disent non, ce n'est pas mais ce que je veux. De toute façon, ça ne se présentait pas comme ça non plus aux gens à l'époque. Non, bah, c'était l'idéal social quand même. Hein, mais on baignait là-dedans, si on avait dit les choses comme ça, les gens auraient dit quelle horreur. À l'époque aussi. Je veux dire, c'est insupportable quand on est jeune de vous dire tu vas faire ça là, jusqu'à là. Oui. C'est un choix inconditionnel, non, c'est pas un choix que moi j'ai fait en tant que jeune, c'est conditionnel déjà. On n'a pas le... Oui, c'est ça, c'est pas moi, je me suis... On n'a pas? On n'a pas le... Comment je peux dire? On n'a pas de choix, parce qu'il y a beaucoup de apologistes, on peut dire, qui exactement, c'est très excitant, donc comme si ce système qui je suis né, c'était désiré pour moi, mais c'est déjà déterminé. Oui. Mais vous défendez, comment vous défendez cette fixité dont vous parlez? Enfin, on dirait que comme le modèle récent montre de manière évidente sa pathologie, etc., il y a un retour qui, moi, paraît un peu... c'est-à-dire, vous n'êtes pas réactionnaire, vous vous en défendez, etc., mais... Parce qu'aussi simplement, du coup, on reprend le modèle d'avant et on dit c'est une catastrophe, alors qu'est-ce que ça? Non, c'est pas moi. Moi, j'ai dit dans beaucoup de discours qu'on dit altermondialiste, qu'on peut trouver aussi dans tous les milieux, par exemple, des attaques du monde diplomatique, de ce que se retrouve Père Bourdieu, etc. On trouve, mais même dans les discours d'une Dufour et d'autres, on trouve comme une espèce d'énorme nostalgie de l'époque fordiste avec son grand sujet, avec ses règles stables. Et justement, j'ai dit, c'était en vérité le monde contre lequel on s'était révolté en 68, cette nostalgie est absurde. Et justement, comme avait dit l'autre, le pouvoir sert à tous, les baïonnettes servent à tous, sauf à s'asseoir. Et donc même le développement récent du capitalisme ne peuvent pas s'expliquer simplement comme un mélange de violence et de manipulation. Parce que, ils ont aussi pu se imposer parce qu'ils ont capté d'instance, même en les falsifiant, ils ont capté le désir, évidemment, qui existait déjà et qui ne trouvait pas d'autres possibilités. Là, c'était plutôt le désir de changer les choses qui a été... Mais l'absence de violence, justement, est-ce qu'il n'est pas dû? Parce qu'en parallèle du développement de la production... C'est ce qu'avait évoqué aussi sur le fait que le sujet moderne, il a plusieurs formes. Il a une plus grosse voix. Non, pardon, je vais vous laisser terminer. Non, je disais la possibilité de... d'amener les individus à consommer sans toujours employer une violence, parce que d'eux-mêmes, ils vont vers ça et ils en redemandent même parfois. C'est aussi parce que parallèlement à la production et au mode, il y a les aspects psychologiques que vous décriviez dans le cours avant, les changements vraiment de fond, des mentalités, de la psychologie profonde, l'infantilisation généralisée, je veux dire, qui n'est pas commencé quand même d'hier. Non, c'est ça qui permet d'échapper à la violence. Donc c'est peut-être quand même une manipulation psychologique. Bon, manipulation, je ne sais pas si on peut employer le mot, mais parallèlement, il y a de créer les conditions pour que les gens acceptent un nouveau mode. On a infantilisé en parallèle, ce qui oui, fait que parallèle. N'est plus nécessaire. On va au-devant, oui, puisqu'on a toujours été nécessaire. Un peu formaté. Non, tout ce que vous, tout l'objet du cours, d'accord, c'est pas la réponse à cette question. Oui, donc, je veux dire, le capitalisme tire, et surtout dans sa phase actuelle, tire sa force aussi du fait, évidemment, de satisfaire, là c'est un peu une affirmation un peu spéculative, donc, je crois qu'il tire probablement sa force aussi du fait d'être en syntonie, probablement, avec une espèce d'infantilisme aussi de l'être humain, qui, en général, est assez brimé dans toutes les cultures traditionnelles et qui impose souvent aux individus un dur travail sur eux-mêmes, un travail en plus souvent excessivement et dur. Mais le capitalisme, d'une certaine manière, est souvent bien accepté justement parce que il a... et même dans d'autres parties du monde, même là où il arrive tout fraîchement, parce qu'il promet donc une espèce de facilité dans la vie, qui justement, d'une certaine manière, qui est en syntonie avec le désir infantile de toute puissance, qu'on n'est réussi jamais à se séparer complètement. Hein. Donc même si on voit le succès qu'ils peuvent avoir des moyens comme les portables dans le monde entier, donc on ne peut pas expliquer cela seulement avec l'attrait du mode de vie occidental avec les publicités et pas seulement avec leur utilité pratique. Il y a aussi par exemple une espèce de plaisir infantile de jouer avec la technique, de voir la lumière, donc de sentir sa propre, sentir sa propre puissance. Et la technique joue aussi sur ça. Je n'ai pas tout entendu, mais même en pleine rousse, ils ont des portables. Oui, s'il y a des relais. Justement, il y a une fascination. C'est pas tout à fait la brousse, il y a des relais. Ouais. Et Eric, il voulait parler. J'en ai trop le matin, j'ai envie de tuer les gens. Pardon ? J'en ai trop le matin, j'ai envie de tuer les gens avec un portable. Ouais. Les autres, vas-y. Pas, ils sont là, ils sont peuvent pas. Moi, je reçois du monde à mon bureau. Et je vais expliquer que les gens qui rentrent dans mon bureau, je leur demande d'éteindre leur portable. Ils ne savent pas. Je vous promets, je lui dis, en fait, vous ne savez pas. Je lui ai dit, vous n'éteignez pas votre portable. Elle me dit non. Alors, je leur explique que ce n'est pas bon, les ondes, bref. Et tout, puis ses manœuvres, j'ai des trucs intéressants là-dessus. Mais ils ne savent pas éteindre le portable. Ils ne peuvent pas. Ça fait partie d'eux-mêmes. Ça montre aussi la solitude de l'homme aujourd'hui, l'isolement. Ils sont comme ça. Vous l'avez éteint. Non, je n'y arrive pas. Mais s'il vous plaît, je vais vous dire, moi je ne dirais pas ça, moi je dirais. Ceci n'est pas... On n'est pas dans une cabine téléphonique. Mais c'est... Et ça et le reste... Ils ne savent pas ce que c'est une cabine. Il y a quelque chose dans la façon dont les hommes sont faits, parce qu'il y a un consensus quand même dans cette société. Comme elle est aujourd'hui. Par contre, les 30 glorieuses, moi je ne vois pas ce que ça va être fascinant. D'abord, j'ai calculé, ça fait 25 années, j'ai pas 30, et ça fait 70 ans que c'est la merde et c'est le chômage. Si on voit à l'échelle du XXe siècle, les gens pleurent sur les Trente Glorieuses. Et toutes les autres années, il y a eu des guerres, du chômage, de la misère. Pendant les Trente Glorieuses, il y a eu quand même les 300 000 morts de l'amiante. Parce que pour les ouvriers dans les usines, on les a travaillés à mort. Il y avait des machins professionnels, il y avait des maisons de l'âme, il y avait des gens qui n'avaient pas de logement. Moi, je ne fiche pas pour les Trente Glorieuses. Enfin, si, je comprends, bien sûr, parce que j'ai une autre analyse, mais... On voit qu'ils sont fascinés par ça. Oui, mais quand même, tout. Ça fait 25 ans, le reste, c'est que des emmerdes. Du chômage, la crise, machin, tout voit de ça. Un siècle, ça dure 100 ans. Ça ne dure pas 25 ans. On ne peut pas arriver à 25 années où le capitalisme est humain, il a fallu avant faire des guerres, tout casser, pour recréer, pour refaire de la valeur. Oui, mais moi, je pense que ce que c'est... C'est ça qui vénère, moi, la date, machin, et le monde, oui, moi, je pense que surtout en France, et surtout cette partie de la population qui vote, par exemple, pour des partis de gauche ou d'extrême-gauche en général, donc le horizon est essentiellement l'idée vers les 30 glorieuses, évidemment, idéalisée. Hein. Ce n'est pas du tout mon point de vue, moi. Je trouve que c'est assez répandu, je trouve. Hein. Il y a quand même un désir, et moi j'étais aussi de continuité, sauf que là on leur propose maintenant une forme, par exemple, c'était la CGT, de sécurisation professionnelle. Donc ils admettent à la fois des ruptures, mais en même temps il y a toujours ce besoin de stabilité. Or avant les gens de l'âge de mes parents par exemple, bougeait beaucoup, changeait beaucoup d'entreprise. Mais combien de temps on entend dire, à mon époque, je sortais d'une entreprise, mon patron ne me plaisait pas, j'allais à l'entreprise d'en face et je retrouvais un travail. Et aujourd'hui, cette forme qui est intégrée davantage des hommes, c'est que ces ruptures, elles pourront être compensées par une forme de sécurisation professionnelle. Mais ce désir existe toujours, tout comme existe le désir de changer de travail. Hein. Mais c'est un leurre, hein, c'est un leurre. Mais c'est défendu aussi par l'extrême gauche et par la CGT notamment. La CGT, c'est un syndicat qui est complètement intégré à l'État. Et c'est un syndicat Eric, alors on va nous faire partir et donc. Eric, tu me poses une question. Oui. Donc, il y a un débat ce soir à 7h aux communes d'Aligre. Donc, pour ceux qui veulent, mais c'est moi qui dois parler, mais je pense que je ne vais rien dire de nouveau. Donc. Il y a une raison pour ne pas venir. Oui. Et pour le reste, donc. J'espère qu'on va se voir le 7 mai, mais ça reste encore à confirmer. Hein.